Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un homme devenu pour certains l'égal d'un dieu, mais oui, Diego Maradona. Dès l'âge de 12 ans, si le jeune footballeur argentin n'est pas encore divin, il se fait prophète. Devant une caméra de télé, il dit « Vous savez, j'ai deux rêves dans la vie, jouer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine. » El pibe de oro, le gamin en or, le prodige précoce, manque son rêve de peu en 1978. Le sélectionneur, César Menotti, l'écarte de l'équipe qui remporte la Coupe du Monde à domicile, en Argentine, alors sous le joug de la dictature du général Videla. Mais Maradona se rattrape lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Et de quelle façon? Il est à l'Argentine ce que fut Pelé pour le Brésil et Cruyff pour les Pays-Bas, à la fois l'incarnation et l'artisan de la victoire. Il y a le maillot national, bien sûr, l'albicéleste, mais il y a la vie en club, 90% du temps de travail d'un footballeur. Barça d'abord, pour Maradona, mais surtout Naples. Car pour El Pibe, le foot, c'est d'abord une communion avec le public. Et celui du Napoli est chaud bouillant, populaire et passionné, comme les habitants du quartier pauvre de Buenos Aires, la Boca, où Maradona a poussé comme une fleur sauvage, qu'il restera jusqu'à la fin de sa carrière. Naples et Maradona, c'est donc l'histoire d'une rencontre, et c'est bien à Naples que Diego est devenu Maradona. Cette histoire argentine est avant tout une passion italienne. Notre invité aujourd'hui, Javier Pietrosantos, rédacteur en chef du magazine SoFoot, qui a publié à l'automne dernier un hors-série sur Maradona, 484 pages, une somme. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 5 juillet 1984, du côté de Turin, la Juventus, la Juve pour les intimes et les Italiens, scintille sous la houlette de son étoile, la star mondiale, Michel Platini, qui vient de remporter l'Euro avec l'équipe de France, capitaine virtuose de la meilleure équipe de l'histoire du football français à l'époque. Pendant ce temps, à 800 km au sud, dans la ville de Naples, sur les gradins du Stade San Paolo, c'est l'ambiance de gala, jour exceptionnel. On s'impatiente, tout le monde veut voir le nouveau Messi, avec un E, sans E ce sera plus tard, au Barça, et aujourd'hui encore. Bref, les tifosi patientent avant de voir la star. Le président du Napoli, Corrado Ferlaino, tient à présenter sa nouvelle recrue aux journalistes. Et il savoure, le président, tellement les négociations ont été longues et le montage financier complexe. Au bout du compte, au bout de l'improbable, il a enfin réussi à enrôler El Pibe de Oro à la toute fin du mercato en provenance du FC Barcelone. Direction la salle de presse pour Diego Maradona. La pièce est située juste sous les gradins et le public réclame son nouveau héros. Diego doit d'abord répondre aux nombreuses questions. Voici celle qui va mettre le feu aux poudres. Est-ce que Monsieur Maradona sait ce qu'est la Camorra? Sait-il que l'argent de la Camorra est présent partout, même dans le football? Interloqué, Maradona ne sait pas quoi dire. Le président Corrado Ferlaino s'empresse alors de prendre le micro et sort de ses gonds. Mais comment ce journaliste ose-t-il? Quelle indignité! Alors il exclut de la conférence. Et pourtant, c'est la question. Comment, en effet, le modeste club de Naples a-t-il pu débourser la dizaine de millions de dollars pour s'offrir Maradona et réaliser le plus gros transfert de l'histoire? L'échec à plusieurs millions de dollars, on connaît en Serie A, le championnat italien. En ce début d'année 80, c'est le meilleur championnat du monde. Mais jusqu'à maintenant, seuls les clubs du nord du pays et de la capitale ont sorti le chéquier. Michel Platini à la Juve, 4 millions. Zico à l'Udinese, 3 millions et demi. Falcao à l'Estrom, 5 millions. Et en cette année 84, deux autres stars signent en même temps que Maradona. Karl-Heinz Rummenigge à l'Inter de Milan, 5 millions. Socrates à la Fiorentina, 3 millions et demi. Les Napolitains n'osaient même pas rêver une star dans leur club. Ils décrochent la plus grande après Platini. Dans la rue de la ville, on vend déjà des objets en tout genre à l'effigie de l'Argentin. Antenne 2 raconte la présentation du joueur dans son JT. Le nouveau roi de Naples, Diego Ier de la dynastie des Maradona, son grand-père était napolitain, n'est donc pas descendu du ciel en hélicoptère comme c'était prévu. Les Napolitains auraient-ils retrouvé le sens de la mesure? Il y avait bien 70 000 supporters au stade de San Paolo, 15 francs la place au tarif officiel, 150 francs au marché noir. C'est sans doute pour se faire pardonner cette messe débridée que les organisateurs ont décidé de verser la recette à des œuvres de bienfaisance. Mais quand Maradona jouera en octobre, quelle recette en perspective? Il est vrai que c'est à Naples qu'il y a le plus grand nombre de spectateurs pour le football. Mais les recettes sont les plus basses d'Italie. Ne pas payer sa place, c'est l'un des métiers de Naples. Les plus chanceux ou les plus malins se retrouvent donc dans le stade. Alors imaginez, 70 000 spectateurs réunis, excités, même pas pour un match, non, juste pour voir Maradona faire quelques jongleries. C'est comme si une soprano remplissait un stade pour quelques vocalises. Les supporters ont déployé des banderoles où l'on peut lire « Diego fait nous rêver » ou encore « Diego, on t'aime ». Alors, lorsque Maradona foule la pelouse du stade, les tribunes bleues azur s'enflamment. Oubliez le public du FC Barcelone, son ancien club et ses supporters catalans qui le trouvaient petit, un peu gros et typé. Quel mépris! Et puis ses mauvais souvenirs, sa blessure à la cheville, la bagarre générale contre l'Atlético Bilbao en finale de la Coupe du Roi. Il est temps pour Diego de tourner la page et de quitter la Catalogne. Ici, dans la cité napolitaine, le peuple est heureux et fier d'accueillir l'enfant des bidonvilles de Villa Fiorito dans la banlieue de Buenos Aires. Maradona se lance dans une série de gestes techniques et tente quelques mots en italien. Le public est aux anges. Petite revue de presse sur France Inter. La venue de Maradona doit relancer le moral de la ville, donc des affaires et de la politique, lit-on dans le monde. Idée folle ? Peut-être. En tout cas, l'acquisition de Maradona a été un coup de génie. Il fallait que la nouvelle recrue coûte très cher, anormalement cher, pour que la fierté napolitaine y trouvât son compte. Il fallait surtout que la vedette frappât les Napolitains au cœur. Maradona les a foudroyés d'amour, parce qu'il est plus napolitain que les Napolitains. Aujourd'hui, dans n'importe quelle famille napolitaine, grâce à Diego Maradona, tout le monde peut à nouveau rêver. Et le rêve, c'est bien connu, n'a pas de prix. Quelle fierté pour les Napolitains. La ville la plus laborieuse d'Italie, cette ville au caractère si trempé, recrute le footballeur le plus cher de l'histoire. C'est un message d'espoir et de lendemain qui chante pour cette ville absolument fascinante, marquée par l'épidémie de choléra de 1973 et le tremblement de terre du 23 novembre 1980. Au pied du Vésuve, la ville n'avait guère tranquille. Tous les Napolitains en rêvent désormais. Maradona va leur donner une revanche sur les villes du Nord qui les méprisent tant. Le club napolitain passe de 30 000 à 70 000 abonnés. C'est septembre 1984. C'est le début du championnat italien, le modèle pour le monde entier, le pays du football. Naples se déplace à Vérone. Ici, sur les nords de l'Adige, contrairement au sud de l'Italie, le miracle économique a eu lieu. Dans les tribunes, le public de l'Hellas Vérone, réputé pour être le plus xénophobe du pays, a préparé des banderoles pour Maradona et ses coéquipiers. « Bonjour les analphabètes, ça vous plaît la civilisation » peut-on lire. Maradona découvre la morgue des supporters adverses. Mais pour ce premier match, face à Vérone, futur champion d'Italie, il ne peut rien faire. C'est même la douche froide. Naples s'incline 3-1 et l'Argentin réalise peut-être à ce moment-là qu'il a signé dans une équipe qui se battait la saison précédente pour éviter une relégation en série B. Match après match, le Napoli enchaîne les défaites et végète dans les bas-fonds du classement, 13e sur 16. À la trêve, le bilan est famélique, 9 points seulement. Une réunion de crise est organisée entre la direction et les joueurs et l'électrochoc semble fonctionner. L'équipe, allez savoir pourquoi, ne perd plus et engrange les points avec des victoires et des matchs nuls. 24 février 1985, Naples affronte la Lazio de Rome et Maradona est en pleine forme. Sa première tentative est une action de la main, mais le ballon ne rentre pas cette fois. La main de Maradona, celle que tout le monde connaît, nous y reviendrons plus tard, ce n'est une autre. Ce jour-là, il inscrit un premier but, plein d'opportunisme, tel un renard des surfaces. Et il ne tarde pas à inscrire un doublé d'un lobe millimétré qui frôle la barre transversale, un bijou. Mais ce n'est rien, à côté de son but du triplé, un corner entrant en pleine lucarne. Le Stade San Paolo entre en ébullition, Naples a pris 11 points en 2 mois pour finalement terminer la saison à une honorable 8e place. Maradona a trouvé sa place dans l'équipe et dans cette ville. Un journaliste l'interroge à la télé italienne sur son intégration justement dans l'équipe. Je pense que toi, tu es meilleur à Naples qu'à Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je suis content d'être venu à Naples. Car je suis très heureux ici et je me bats pour que Naples devienne un grand club. Quand je suis arrivé, j'ai vu que l'objectif était d'éviter la relégation. Et cette année, c'est différent. Maradona nourrit les ambitions pour la saison 85-86 les plus hautes. Plus question de jouer le maintien, il faut maintenant défier les équipes du Nord. Un chiffre, pour comprendre la domination de ces clubs sur le championnat italien. Sur 84 Scudetti, depuis la création du championnat d'Italie, les équipes du Nord en ont remporté 80. La capitale Rome, 3, 2 pour l'AS Roma et 1 pour la Lazio. Seul un autre club est parvenu à décrocher le titre, Cagliari. Tout le sud de l'Italie attend donc son Scudetto. Et pour cela, il faut déjà battre les équipes favorites. 3 novembre 85, Naples affronte la Juventus, auréolée de son titre de champion d'Europe, remporté 5 mois auparavant contre Liverpool. Dans le stade San Paolo, les supporters de la Juve entonnent un chant qui dit « Ils font fuir même les chiens, les Napolitains. Ils ont le choléra et même les tremblements de terre. » Ils se lavent dans la rivière, Napoli caca, Napoli choléra, vous êtes la honte de l'Italie. Napolitain, vous allez bosser en continu, Maradona vous coûte la peau du cul. Un chant épouvantable qui donne la rage à Maradona, mais qui va se transformer et qui va transformer cette haine contre Naples en force de frappe. Dans ce match très disputé, les fautes s'enchaînent et le score reste vierge. Mais à la 72e minute, sur un coup franc indirect dans la surface, un joueur de Naples glisse le ballon à Maradona qui enroule sa frappe et se loge dans la lucarne. Score final, 1-0. San Paolo chavire. Bilan chez les supporters, 5 évanouissements, 2 infarctus. Quant à Maradona, il exprime à la télé sa fierté d'avoir apporté cette victoire au peuple napolitain. Maradona, vous êtes habitué à marquer, mais ce soir, quand vous avez inscrit ce but contre la Juventus et que vous avez couru vers le public, à quoi avez-vous pensé ? De quelle couleur est ce but ? Ce but est bleu-azur, en hommage au peuple de Naples. Parce que si on ne vit pas à Naples, on ne peut pas imaginer toutes les horreurs que les Napolitains ont entendues cette semaine. C'est pour ça que ce but et cette victoire, les Napolitains le méritent. Maradona donne tout pour Naples et les supporters le lui rendent bien. Depuis cette victoire contre la Juve, de nombreux Napolitains ont placé une photo de Maradona chez eux, souvent à côté de celle du Christ. Adulé, il ne peut plus sortir dans la ville la journée sans courir le risque de déclencher un mouvement de foule ou une émeute. Alors sa fiancée Claudia, rencontrée quand il avait 16 ans, lui donne la permission de sortir la nuit. Son club également lui accorde un quartier libre du dimanche soir jusqu'au mardi. Maradona jongle alors entre les maisons de passe et les boîtes de nuit et joue avec les lignes blanches de la cocaïne. Il fricote également avec le clan Giuliano, une branche de la Camorra qui règne sur une partie de la ville. Maradona est protégé, il n'a rien à craindre. Et puis, s'il force un peu trop sur la poudre avant un match, un coéquipier est toujours là pour lui fournir un flacon d'urine afin de passer à travers les contrôles antidopage. Côté sportif en tout cas, tout va bien. Naples finit 3e du championnat et Diego termine meilleur buteur. Il peut s'envoler l'esprit serein vers le Mexique pour disputer sa 2e Coupe du Monde. 31 mai 86, début de la compétition. L'Italie, tenante des titres, première équipe mondiale, affronte la Bulgarie pour le match d'ouverture. Dans moins de 11 heures maintenant, l'équipe de France de football débutera son premier match contre le Canada au Stade de León. Hier, vous le savez sans doute, le premier match de ce mondial qui a opposé l'Italie à la Bulgarie s'est soldé par un match nul, un partout. À 20h ce soir, c'est l'Espagne qui affrontera le Brésil, une très belle affiche. Pour ceux qui n'aiment pas le football, tout cela peut vous donner une indigestion. Mais avouez que cela vaut mieux que la tourista dont ont souffert plusieurs de nos valeureux tricolores. Qualifié de justesse, l'équipe d'Argentine n'a pas le statut de favori pour cette édition 86. Mais pour Maradona, c'est une occasion unique. Après la non-sélection de 78 et sa contre-performance de 82, c'est donc un Maradona qui veut prouver et tout donner pour sa sélection. Avant le début de la compétition, la presse a interrogé trois numéros 10 emblématiques avec la même question. Quelle est votre ambition pour cette Coupe du Monde? Le Brésilien Zico. Je reviens d'une grosse blessure, je veux juste faire de mon mieux pour aider l'équipe à performer. Michel Platini. Je sors d'une saison stressante à la Juventus, je ne suis qu'un joueur parmi d'autres. Diego Maradona. Je veux prouver que je suis le meilleur joueur du monde. Voilà qui est dit. Le rendez-vous est pris. Et quoi de mieux qu'un quart de finale Argentine-Angleterre pour le prouver. 4 ans après la guerre des Malouines, gagnée par le Royaume-Uni de Margaret Thatcher, c'est l'occasion pour les Argentins de laver l'affront sur le terrain. La presse monte en épingle cette rencontre où la géopolitique s'invite sur la pelouse. Pascal Delannoy est en direct de Londres pour France Inter. Un récent sondage a montré que les trois quarts des Britanniques souhaitent que des discussions s'ouvrent enfin avec le nouveau pouvoir démocratique en place à Buenos Aires. Eh bien, pas de doute que de ce point de vue, les 90 minutes de ce soir vont beaucoup compter si tout se passe bien. Et peu importe le résultat, l'espoir d'un règlement sera à nouveau possible. Voilà pour l'enjeu de ce match, sans oublier l'essentiel pour l'Angleterre tout de même, une place en demi-finale et la mise hors de combat de la dernière équipe sud-américaine encore en piste dans ce mondial. Comprenez que pour des millions d'amoureux du football de ce pays, c'est le jour le plus long qui se termine et la soirée la plus difficile qui commence. Pendant la première mi-temps, le match est fermé. Les joueurs souffrent sous la chaleur caniculaire du Mexico. Et Maradona prend de nombreux coups. Le défenseur anglais Terry Fenwick explique des années plus tard à quel point les chevilles de Maradona ont servi de paillasson à ses adversaires. Il avait multiplié les dribbles, les talonnades, les remises acrobatiques et surtout les raids en solo. Comme s'il avait voulu baliser le truc en nous testant. Puis il nous épuisait. C'était d'autant plus incroyable qu'il s'était fait sécher dès les premières prises de balles. Moi-même, je lui avais mis plusieurs gros tampons. Ça m'a valu un jaune direct, d'ailleurs. En fait, je vais vous dire, mais je devrais pas. Durant ce match, on lui en a mis dans le buffet comme rarement un joueur en a reçu dans un match de ce niveau. Et ce type est constamment revenu à l'abordage, à chaque fois plus fort, plus rapide. Il est vraiment costaud. Une vraie boule de muscle. Une boule de muscle et une tête pleine de malice. À la 51e minute, Maradona débloque le match. Sur un ballon contré par un défenseur anglais dans la surface de réparation, il s'élance, saute et marque face au gardien anglais qui a bien vu que Maradona a marqué de la main et il pense dur comme fer que le but sera refusé. Mais le numéro 10 argentin court à travers le stade pour célébrer l'ouverture du score en surjouant la joie. L'arbitre hésite sous la pression des protestations des joueurs anglais avant de finalement valider le but. Certains, beaucoup même, hurlent à la triche. Ce à quoi Maradona répond, ce but je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu. Et ce geste devient alors, et pour l'éternité, la mano de Dios, la main de Dieu. Dans son autobiographie, Maradona confie, c'est venu tout seul, comme sur les terrains de quartier. Que voulez-vous, je mesure 1m66 et Shilton 1m85, je n'avais aucune chance. Alors j'ai sauté comme une grenouille et j'ai fait tac avec le poing gauche. Faut avouer, à demi pardonné. Enfin, peut-être pas pour les Anglais. Mais que dire et que faire ce jour-là face à un Maradona qui seulement 4 minutes après son but de la main se lance dans une traversée du terrain en éliminant 5 joueurs anglais pour inscrire ce qu'on appelle officiellement le but du siècle. Voici le commentaire du journaliste sportif Victor Hugo Morales, une pépite d'exaltation et de poésie. Ricky engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mais quel chevauché incroyable de Maradona, le cerf-volant cosmique. De quelle planète viens-tu pour que tout un pays se retrouve le poing levé à soutenir l'Argentine? Merci mon Dieu pour le football et pour Maradona. Oui, vous avez bien entendu. Merci mon Dieu. Et ce n'est qu'une partie de ce commentaire d'anthologie. Après avoir livré ce match incroyable, commenté, analysé, disséqué des millions de fois par les fans de football du monde entier, Maradona n'est plus un joueur, c'est un mythe moderne. À la fois ange et démon, tricheur et génie, on adore ou on déteste. Quelques jours plus tard, on l'a peut-être oublié, le nouveau meilleur joueur du monde livre une prestation exceptionnelle contre la Belgique en demi-finale en inscrivant un doublé plein d'inspiration, direction la finale. Maradona voulait affronter son rival de la Juve, Michel Platini. Il aura affaire à celui de l'Inter, Karl-Heinz Rummenigge. Le 29 juin 1986, devant les 114 000 spectateurs du stade Azteca de Mexico, Maradona délivre une passe décisive au milieu du FC Nantes, Jorge Bruchaga, qui inscrit le but du 3-2 à 5 minutes de la fin du match. L'Allemagne est battue. Et l'Argentine est championne du monde, pour la deuxième fois en 8 ans. Et cette fois, Diego est de la partie. 13 ans après avoir exprimé ses vœux à la télé argentine, El Pibe de Oro réalise son rêve, remporter une Coupe du Monde. À la fin du match, il glisse à l'oreille du masseur Di Napoli qui l'a fait venir au Mexique. Maintenant, je veux être champion d'Italie avec le Napoli. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Septembre 86, retour à Naples pour Maradona avec tous les excès qui vont avec. Cocaïne, prostituée et mafia. Dans la ville italienne, les supporters fêtent le retour de leur idole, fraîchement championne du monde. Dans les rues napolitaines, une blague circule. Tu connais la différence entre Jésus et Maradona? Non? Eh bien, les miracles de Maradona, eux, ont tous été authentifiés. En ce mois de septembre 86 à Naples, ce n'est pas un miracle de Maradona qu'il faut authentifier, mais la naissance d'un enfant. Oui. Devant les caméras de télé, à la maternité, en compagnie du nouveau-né à qui elle a donné naissance, une certaine Cristiana Sinagra, une amie de la sœur de Maradona, prétend que le footballeur argentin est le père de son enfant. Dans la chambre 509 d'une maternité napolitaine, Cristiana Sinagra, 22 ans, diplômée en comptabilité, a donné naissance ce matin à 11h15 à un petit garçon baptisé Diego Armando Junior. C'est un prénom très populaire à Naples, pourquoi lui avoir donné? Parce qu'il est le fruit de ma relation avec Diego, le joueur de Naples. Diego Armando Maradona, oui. Le joueur de Naples? Oui. Quand vous êtes-vous rencontrés? En décembre 85. Et combien de temps a duré votre relation? Jusqu'en avril 86. Dans une autre séquence diffusée par la RAI, Cristiana Sinagra passe au détecteur de mensonges sur un plateau télé avec des questions telles que « Quand l'enfant a été conçu, avez-vous dit à Diego Maradona que vous étiez en période d'ovulation ? Oui. Diego Maradona est-il le père de votre enfant ? Oui. L'expert, un ancien analyste de la CIA, analyse les résultats. Selon lui, Christina dit la vérité. Alors le présentateur poursuit. Nous avons fait ce soir le portrait d'un champion, d'un grand footballeur, mais d'un homme discutable. Demain, la presse pourra titrer « Grandeur et misère d'un champion ». Interrogé avant un match du Napoli, Maradona refuse de répondre aux questions d'Arai. Et il lance au journaliste « Voyez ça avec mon avocat ». Et il déclare publiquement « Ce qui a été raconté par cette fille est totalement faux. Cet enfant n'est pas de moi ». Pourtant, un juge donnera raison à Cristiana. Cet enfant est bien de Maradona. La preuve, l'index du bébé a la même longueur que le majeur, l'une des caractéristiques de la famille Diego. C'était avant les tests ADN. À la même époque, sa fiancée Claudia est enceinte de 2 mois. Et la presse fait ses choux gras de cette histoire d'enfant légitime et d'enfant morganatique. Maradona a le moral dans les chaussettes. Son préparateur physique Fernando Signorini confie. Cette naissance a changé quelque chose chez Diego. Cet épisode l'a traumatisé. Je suis persuadé que c'est une des raisons qui l'ont poussé à s'évader encore plus. Avant cette naissance, on voulait lui faire croire qu'il était omnipotent, voire intouchable. Diego Junior lui a prouvé que c'était faux. Il a perdu sa spontanéité et sa joie. Il est devenu beaucoup plus introspectif et tourmenté. Il s'est réfugié dans le jeu, dans le football. Le terrain restait son monde. Sa bulle d'oxygène dans laquelle il sentait son pouvoir. Et Maradona qui se réfugie dans le football, cela fonctionne à merveille. Match après match, en effet, le club grimpe au classement. Le 9 novembre 86, le Napoli bat la Juventus 3-1 à Turin, s'il vous plaît, et s'empare de la première place des classements, seul en tête. À la question d'un journaliste, un supporter napolitain confie « Naples n'a jamais été premier, alors on n'a jamais ressenti ça. Là, on va découvrir. » En Italie, le reste du pays continue de penser que le titre se jouera entre la Juve de Platini, l'Inter de Milan et la Roma, de Rome, bien sûr. Mais le Napoli, emmené par Maradona et renforcé par le jeune défenseur Ciro Ferrara, ainsi que par 2 recrues talenteuses, le bien nommé Fernando de Napoli et l'attaquant Andrea Carnevale, ne lâche plus sa première place. Le 2 avril 1987, Claudia Vinafale, la femme de Maradona, donne naissance à Nalmia, sa petite fille. Elle va accoucher à Buenos Aires car Diego veut que ses enfants naissent en Argentine. Pendant ce temps, le footballeur en profite pour faire la fête et fréquenter l'Albergo Paradiso avec ses nombreuses prostituées cubaines. L'une d'elles témoigne dans le magazine SoFoot. Diego paraissait avoir une véritable prédilection pour les femmes cubaines. Il était un client régulier qui pratiquait l'alternance entre les filles. Entre nous, on appelait sa préférée du moment le parfum du mois. Mais ton tour revenait régulièrement si tu avais la chance de lui plaire. Bien évidemment, il laissait des pourboires royaux et la direction ne cessait de nous laisser entendre qu'il ne fallait surtout pas qu'il aille voir ailleurs. On se devait d'être discrète vis-à-vis de l'extérieur. Diego était un Sud-Américain type mélange de macho et d'homme qui laisse parler sa féminité. Il était respectueux des femmes, même si l'histoire avec son fils naturel l'avait marqué. Il m'avait offert des sous-vêtements jaunes et bleus, et sans me le dire, je voyais qu'il avait envie que je les porte. J'ai appris ensuite qu'il s'agissait des couleurs de Boca Junior, le club de son cœur. Sinon, et comme il y a prescription, il aimait parfois que je l'attache. Mai 87, la fièvre monte dans toute la ville. Sur les routes, ce sont des défilés de drapeaux et des concerts de klaxons. Naples et tout le sud de l'Italie n'a jamais été aussi proche de son premier scudetto. Le titre de champion d'Italie qui, à cette époque bénie, voulait dire meilleur club du monde. Dans le stade bleu azur, comme la couleur du maillot napolitain, les supporters sont chauffés à blanc. Un succès contre la Fiorentina et c'est le scudetto assuré. Dans les tribunes, Don Diego Maradona, le père du prodige, communie avec les supporters. Ferveur et dévotion. À la 29e minute, André Carnevale ouvre le score pour le Napoli. Le stade chavire. Mais 10 minutes plus tard, Un jeune attaquant de 20 ans, un certain Roberto Baggio, futur ballon d'or, marque son premier but en Serie A sur un coup franc magnifique. Un partout à la pause, San Paolo s'apprête à vivre la plus longue deuxième mi-temps de toute son histoire. Dans les tribunes, les supporters ont leur poste radio collé aux oreilles. L'Inter de Milan est menée au score à Bergame et la Juve est tenue en échec à Vérone. Naples est donc virtuellement champion d'Italie. Assez ironiquement, le salut des Napolitains viendra de l'Hellas Vérone qui ouvre le score contre la Juventus en deuxième mi-temps. Les joueurs du Napoli, eux, ne parviennent pas à marquer. À la 79e minute, le stade retient son souffle, les Turinois viennent d'égaliser. L'Inter étant toujours mené au score, c'est le début de 10 minutes d'angoisse et de suspense. Et soudain, c'est l'explosion dans les tribunes napolitaines. Les supporters apprennent à la radio que la Juve a fait match nul. Le Napoli est donc champion d'Italie. Ivre de joie, Maradona se lance dans un tour d'honneur et jette sa chaussure dans une tribune comme une offrande à son public qui lui a tant donné. Il confie sur le terrain sa joie à un journaliste. C'est la plus grande fête de ma vie. Ce n'était pas la Coupe du Monde ? Si, mais je n'étais pas chez moi, avec des tifosi comme ça. De retour dans les vestiaires, Maradona s'amuse à interviewer ses coéquipiers pour la télé. On ouvre la champagne, on chante à la gloire de Diego. Dans toutes les rues de la ville, on reprend en cœur ce chant de supporters qui en français donne « Hé maman, sais-tu pourquoi j'ai le cœur qui bat ? J'ai vu Maradona, j'ai vu Maradona. Hé maman, je m'en suis amouraché. » Jour et nuit, les Napolitains fêtent le titre. Sur les murs de la cité, on a écrit « Le paradis peut attendre, nous l'avons déjà connu. » Deux mois plus tard, le Napoli s'offre le doublé champion de la Coupe d'Italie. La ville ne se remet plus de ses émotions et fête ses titres tout l'été. Des émotions, la triplette Magica pour Maradona, Giordano, Carreca va en offrir d'autres à Naples dès l'année suivante. En 1988 et 1989, le club termine deuxième du championnat. Il se console avec une coupe de l'UEFA, son premier titre européen, le seul jusqu'à aujourd'hui. Durant la célébration du trophée à Stuttgart, Maradona, bien entamé par l'alcool et la drogue, se confie à une télé napolitaine à propos de sa consommation de cocaïne. Et il dit « Oh, vous savez, j'ai juste le même vice que de nombreux chefs d'entreprise. » En cet été 89, c'est justement un chef d'entreprise bien connu, Bernard Tapie, qui tente de le recruter à l'Olympique de Marseille. L'affaire ne se conclut pas, car le président de Naples, Corrado Ferlaino, qui avait pourtant promis un bon de sortie pour Maradona en quatre trophées européens, bloque toute tentative de recrutement. Celle de Tapie donc, mais également celle de Silvio Berlusconi pour le Milan AC. L'avenir donne raison au président napolitain. La saison 89-90 est l'année du second Scudetto pour le Napoli. Et c'est reparti pour des semaines de fête. Sauf que cet été-là, l'Italie organise la Coupe du Monde. La Squadra Azzurra est favorite, mais le hasard réserve parfois de drôles de surprises. Et il se trouve que notre histoire se termine là où elle a commencé, au stade San Paolo de Naples. Nous sommes le 3 juillet 1990. L'Italie, on l'a dit, porte le maillot le plus prestigieux d'Europe à l'époque, bleu comme l'azur, sans la moindre fioriture, d'une évidente élégance, un bleu uni flanqué de l'écusson vert-blanc-rouge. Pour autant, cette équipe n'est pas populaire, hors d'Italie. On trouve son jeu trop défensif, cynique, peu spectaculaire, la faute au Catenaccio, ce jeu cadenassé qui donne une si mauvaise réputation. Les Italiens jouent chez eux. Tout est réuni pour qu'il s'inscrive une troisième fois au palmarès de la Coupe du Monde avec une troisième étoile. En demi-finale, ils affrontent l'Argentine de Maradona. Ainsi en a décidé le sort, le tirage au sort et bien peu doute de la victoire de la squadre. Le scénario est écrit d'avance, mais le terrain, comme parfois en football, et c'est tant mieux qu'il y ait des surprises, va en décider autrement. Ce jour-là, en effet, El Pibe de Oro joue dans son jardin, à Naples. Et ça change tout. Entre Madonna et Maradona, les amateurs de spectacle ont l'embarras du choix. Madonna, c'est ce soir à Paris-Bercy, premier concert. Maradona, c'est aussi ce soir à Naples, première demi-finale de la Coupe du Monde de football. Et quelle demi-finale ? Argentine-Italie, Diego Maradona, roi de Naples, contre Toto Schillaci, roi de Sicile. Ambiance affolante au stade San Paolo à 1h du coup d'envoi. Du jamais vu en Coupe du Monde, Jean-Michel Descroix, les deux équipes joueront pour ainsi dire à domicile. Absolument, l'ambiance pour l'instant d'ailleurs est très colorée, déjà beaucoup de drapeaux jaunes, des drapeaux verts, blancs et rouges, les couleurs de l'Italie. Et c'est donc un cruel dilemme ce soir pour les tifosi napolitains qui vont crier, encourager leur équipe d'Italie, mais qui auront quand même une petite pensée pour Maradona. Maradona le sait bien. Il a d'ailleurs déclaré avant le match, durant 364 jours de l'année, les Italiens traitent les Napolitains comme de la merde. Et là, ils se souviennent qu'ils vivent en Italie et exigent leur soutien. La ficelle est un peu grosse, non? Dans les tribunes de San Paolo, pourtant, on peut lire une banderole. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie. Le match dure jusqu'au bout du suspense. Et au tir au but, l'Argentine élimine l'Italie. Coup de tonnerre. L'Italie passe à côté du titre, victime de ses déchirements intérieurs. Le jour de la finale à Rome, l'hymne argentin est sifflé par le public romain. Maradona marmonne, hijo de puta. Il a compris que l'Italie allait lui faire payer cette élimination en demi-finale. De fait, l'Argentine perd, Maradona est inconsolable. Et l'Allemagne rafle la mise. La Mannschaft gagne la Coupe du Monde promise à l'Italie qui lui rendra l'exacte monnaie de sa pièce en remportant la Coupe du Monde 2006 à Berlin, sous la houlette de Buffon, Cannavaro et Pirlo. Le 17 mars 1991, Maradona est contrôlé positif à la cocaïne. Suspendu, il quitte Naples par une porte dérobée de l'aéroport. Il aura vécu là-bas les plus belles années de sa carrière. Mais plus que tout, il aura su rendre fiers les Napolitains, lui l'enfant des bidonvilles, le dernier roi de Naples. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Sensible aujourd'hui, Maradona. Notre invité, Javier Pietro Santos, rédacteur en chef du magazine SoFoot. Bonjour. Bonjour. Et vous avez publié un hors-série sur Maradona de 484 pages. En avez-vous fait autant pour Cruyff ? En ferez-vous autant pour Pelé quand il disparaîtra ? Non, on n'en a pas fait autant pour Cruyff, malheureusement. Et pour Pelé, je doute qu'on en fasse. D'accord. Je doute qu'on fasse 500 pages parce que c'est pas du tout le même destin, c'est pas du tout le même profil. Donc c'est intéressant. Maradona. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'entre les trois grands, vous serez à peu près d'accord avec moi pour dire que les trois plus grands joueurs de l'histoire, même si c'est compliqué de faire des comparaisons dans le temps, on peut quand même citer Maradona, Cruyff et Pelé. Donc Maradona serait le footballeur le plus marquant de l'histoire de ce sport, à la fois par ses qualités sportives, mais aussi par sa vie et aussi par son itinéraire, à la fois en Argentine et à Naples. Je pense qu'effectivement, Maradona, on peut parler de lui comme d'une icône. C'est quelqu'un qui était un générateur d'émotions extraordinaires. Lui-même, d'ailleurs, disait que se plaignait que les Argentins le considèrent comme une machine à créer du bonheur. Et c'est quelqu'un qui a eu un numéro 10, qui avait une gueule, qui avait un phrasé, qui avait un physique particulier et qui avait surtout de l'or. Au niveau des pieds, donc tout ça fait que Maradona restera, à mon avis, unique, il n'y en aura pas d'autres. Tout à l'heure, vous avez cité Messi dans votre reportage, mais Messi, par exemple, a peut-être un talent extraordinaire, mais il n'a pas du tout la personnalité de Diego Maradona. Avec Diego, on peut toucher à peu près... on peut parler d'histoire, on peut parler de l'Argentine, on peut parler de la drogue, on peut parler de politique, on peut parler de faits socio-culturels, c'est très vaste, hein, la carrière de Maradona. Il y a 50 000 anecdotes. Messi, malheureusement, a plutôt la vie d'un moine et c'est très bien parce que aujourd'hui c'est ce qu'on demande aux professionnels, mais il est beaucoup moins fun, comme on dit aujourd'hui. Oui, mais donc Maradona est un peu un homme de son époque, parce que vous parliez de Messi, mais Ronaldo, c'est pareil. Ce sont des travailleurs, Ronaldo, des grands pros, mais ils n'ont rien de très amusant, ils n'ont aucune fantaisie. Ce sont même des gens très ennuyeux, enfin, faut l'avouer, mais ce sont de grands professionnels, on adore les voir jouer. Ils nous font rêver balle au pied, mais après, c'est fini, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, Maradona, il y a une personnalité. Et ça change tout. Ça change tellement de choses. D'abord, parce que ça fait des histoires à raconter. Et puis, c'est quand même assez fascinant. Ses liens avec la mafia, par exemple, les cadeaux qu'on lui faisait, les Rolex en or, c'est quand même assez fort parce qu'il vit ça sans complexe, quoi. Il vit ça... en fait, Diego Maradona... Hmm? Oui, tranquille. Mais Diego Maradona a toujours eu l'impression qu'il pouvait vivre la vie comme il le souhaitait. Il s'est toujours placé au-dessus des lois, les lois des hommes, les lois... de Dieu, même s'il le citait presque à toutes ses phrases. C'est quelqu'un qui est complètement paradoxal. Il peut être à la fois touchant, énervant, stressant, angoissant. On a envie de lui taper sur la tête, on a envie de le prendre dans les bras. C'est quelqu'un qui dit tout et son contraire, mais c'est quelqu'un avec une intelligence de la rue, c'est-à-dire il a une vivacité d'esprit incroyable. On lui doit de nombreuses punchlines. Par exemple, quand il disait... Je suis né à Fiorito, dans un quartier. Enfin, je suis né dans une résidence privée d'eau, d'électricité, etc. Enfin, c'est quand même marrant. Il avait beaucoup d'humour, mais il avait un regard sur son époque. Je suis pas sûr que Messi, Ronaldo et toutes les stars actuelles l'aient tout autant. Ils sont plus dans une bulle. Maradona, on peut pas dire qu'il a pas fréquenté le petit peuple, qu'il a pas fréquenté les voyous, qu'il a pas fréquenté les grands de ce monde, ou en tout cas de son époque. Et donc, il avait toute la palette sociétale dans son cerveau et effectivement, malheureusement, il a frayé avec les mafieux de la Camorra et ça a précipité sa chute. Mais il s'en est jamais caché. Il a jamais dit non, je me drogue pas. Il l'a peut-être dit au début, mais c'était public. Tout le monde le savait à Naples. Mais comme c'était le grand Maradona, le grand numéro 10, l'idole de toute une ville et de tout le sud de l'Italie, personne n'a bougé et malheureusement, il s'est brûlé les ailes. Alors, il était dans un pays, rappelons-le, qui dans les années 80, ça a duré une partie des années 90, ça avait été entamé dans les années 70, c'était l'Italie. L'Italie, les grands joueurs, quasiment tous les grands joueurs, allaient jouer en Italie. C'était vraiment la mecque du football, la mecque européenne du football. Et évidemment, Maradona, on a été très étonnés qu'il aille à Naples. Il y a tellement de grands clubs dans ce pays qui était jadis, et j'espère qu'il redeviendra, mais c'est pas le cas pour l'instant, le premier pays du monde de football. Pourquoi Naples? C'est complètement fou d'aller à Naples. Et pourtant, celui-là allait très bien, mais d'un point de vue de la carrière professionnelle, il vient du Barça, qui est l'un des plus grands clubs, qui est multititré. Naples n'a même pas de titre. Donc on a du mal à comprendre ce choix. En fait, il faut remettre tout ça dans son contexte. C'est-à-dire que lorsqu'il évolue à Barcelone, il a d'énormes problèmes avec sa direction. Le contexte catalan n'est pas fait pour lui. En Catalogne, c'est un peu comme le Milan en Italie. C'est un club du Nord. Voilà, ce sont des clubs du Nord qui se considèrent au-dessus, disons, des gens du Sud. Et Maradona, pour les dirigeants de Barcelone, avait beau être très talentueux, ça restait, comme il disait, un soudac, un sud-américain, qui est une appellation très péjorative en Espagne. Et donc ça n'a pas matché, on va dire. Et Maradona se sentait étouffé par les dirigeants barcelonais. Il avait l'impression de ne pas être compris. Il sortait de plusieurs blessures, comme vous l'avez dit dans le reportage. Donc il a l'impression de stagner. Or, pour rebondir, il fallait une ville à son image. Et quelle autre ville, excepté Naples, pouvait être à son image en Europe? J'en vois pas d'autre à part Naples. Donc, quelque part, lui avait envie d'être une star, ce qui n'était pas vraiment à Barcelone, puisqu'il y avait Schuster, il y avait d'autres grands joueurs, pas du tout de la taille ni du talent de Maradona. Mais Maradona avait envie de se sentir important, et à Barcelone, il ne l'était pas. D'ailleurs, quand Barcelone reçoit la proposition de Naples, il croit une blague et ne la prennent pas en compte. Ils ne la prennent pas au sérieux, cette offre. Donc, il donne un prix comme ça, histoire de voir ce qu'il y a derrière. Et puis finalement, Naples, il se trouve qu'ils ont les fonds et qu'ils arrivent à recruter Maradona. Le Barça vivra une vie sans Diego très facilement. Et puis Naples récupère une pépite qu'ils vont mettre sur orbite. Et sans cette équipe-là, sans Naples, je pense que la carrière de Diego n'aurait pas du tout été la même. À Barcelone, c'était encore une fois une jeune promesse, mais il explose vraiment dans le sud de l'Italie. Bah oui, parce qu'en plus, c'est la rencontre d'une ville et d'un homme qui se ressemblent. On va en reparler dans 3 minutes, après avoir écouté José González, qui chante El Invento. Simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Cuando todo va a cambiar, todo de color, y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde son? A la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué sé? Javier Prieto Santos, rédacteur en chef du magazine SoFoot. Il y a un match, même deux matchs qui résument Maradona. Il y a ce fameux match de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre, où certains ne retiennent que la main de Dieu, c'est-à-dire ce geste totalement transgressif, et on oublie le but extraordinaire, merveilleux, sublime, il n'existe pas de mots pour qualifier le but que Maradona marque ensuite. Tout est réuni dans ce match. Il y a le talent du sportif et la transgression de l'homme. Il y a effectivement son côté ange et démon dans ce match-là. C'est un concentré de Diego Maradona, ce match contre l'Angleterre. Et c'est ce qui définit et c'est ce qui définira à jamais le talent de Maradona. C'est-à-dire que c'est le talent de la malice, c'est son génie balle au pied, c'est cette phrase qu'il prononce à la fin, la main, c'est la main de Dieu, ça lui sort comme ça. Et aujourd'hui encore, à chaque fois qu'un joueur essaye de mettre une main, aujourd'hui c'est plus difficile avec la VAR, mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait une main, on avait cette référence en tête, la mano de Dios. Et donc il y a tout ce génie agaçant et stimulant à la fois, parce que qui n'a jamais vu ce but, le commentaire qui l'accompagne de Victor Hugo Morales, avec qui il a présenté plus tard une émission de foot sur une chaîne vénézuélienne, le rend encore plus mythique, parce qu'on sent une passion, on sent les larmes, c'est extatique, l'émotion. Le commentaire extatique, c'est vraiment un état d'extase de sa part, c'est incroyable. C'est un état d'extase, et ça a changé également sa vie à ce monsieur qui d'ailleurs n'était pas argentin, puisqu'il était uruguayen, et Maradona lui a donné une carrière, lui a donné un nom, lui a donné un visage, et lui a donné une popularité qu'il n'aurait pas pu avoir s'il n'avait pas commenté ce match en 86. Donc, quelque part, tout comme on a tous quelque chose en nous de Tennessee, ben on a tous quelque chose en nous de Diego Maradona. Il y en a qui sont énervés par son comportement, qui considèrent qu'il a une vie pas très catholique, que c'était un drogué. Moi, je veux surtout retenir que c'était un joueur qui m'a procuré une multitude d'émotions, bonnes ou mauvaises, qui me faisait rire. Bien il sûr. Passait toujours quelque chose Bien sur sûr. Le terrain. Et il avait beaucoup d'aspérité. Et aujourd'hui, dans une époque aussi lisse, en tout cas dans le football, je trouve que ça fait du bien de se rappeler qu'il y a eu des génies qui étaient capables de faire tout et n'importe quoi sur le terrain. Alors, il existe une église, un syncrétisme chrétien, une église maradonesque. Elle se trouve à Rosario, c'est complètement dingue. Un vrai culte. Un vrai culte, et je pense que c'est le premier, et ce sera le dernier joueur à avoir une église à son nom. Mais l'Argentine, tout comme l'Italie, est un pays de foot où le calcio est suivi religieusement, l'Argentine est un pays d'idoles. Et Maradona a rejoint Gardel, a rejoint Che Guevara, a rejoint Evita Perón dans ce panthéon des figures mystifiées. Et donc, oui, on prie Maradona comme on prierait la Vierge Marie. Ce qui est absolument vu de France délirant, mais ce qui est en Argentine, c'est tout à fait normal, c'est une passion. Il faut se rendre compte qu'en Argentine, Diego était vraiment, pour le coup, un dieu vivant. C'est un mot qui est galvaudé, mais Diego avait une immunité diplomatique. Il aurait pu faire n'importe quoi, que tout le monde lui aurait pardonné, même si à la fin de sa vie, il en agaçait certains. Mais c'est un personnage qui a placé l'Argentine sur la carte du monde. Sans lui, aujourd'hui dans les rues on verrait pas des mômes avec le maillot argentin, le numéro 10 ne serait pas aussi sacralisé, parce qu'il a contribué à le faire, Pelé l'a fait avant, mais disons qu'il a Platini contribué ensuite. À rendre bien sûr. Platini également, ouais. Mais voilà, tout le monde ne porte pas des numéros 10, moi je le porte pas, et peut-être que Fabrice Drouel le porte pas. Bah, déjà j'ai beaucoup de mal avec le 9. Même si on aimerait le porter, bon, oui. mais c'est quelque chose pour lequel on a du respect. Ça reste un numéro qui est associé aux très très grands joueurs, et Maradona restera jamais ce numéro 10 Bien éternel. Sûr. Merci, effectivement. Pelé, Platini, Maradona sont des numéros 10. Merci infiniment, Javier Prieto Santos. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, donc Maradona, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Louis Aubert.